des ablutions. Shurutu sihha, dans les 10. La première condition, l'islam. Donc l'islam, c'est une condition de validité des ablutions. Une condition de validité des ablutions. Les ablutions qui sont voulues ici, enfin, je n'ai pas précisé ça, la purification, comme on l'a vu, on a deux catégories. La purification de l'hadath al-asghar et la purification de l'hadath al-akbar. Ce qu'on appelle les petites ablutions et les grandes ablutions. Les grandes ablutions, c'est le ghusl, le lavage. Mais ici, ce qui est concerné, ce sont les petites ablutions qu'on fait suite à une des choses qui invalide les ablutions, telles que l'urine, la sortie de gaz, le sommeil profond, et ainsi de suite. Et il y a également l'apostasie. L'apostasie, c'est une condition, c'est une chose qui invalide les ablutions. Ça invalide tout acte et toute œuvre, y compris les ablutions. Allah Musta'an, qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous raffermisse sur cette religion, cette belle religion, jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah nous accorde à tous une bonne fin, une mort dans le tawhid et dans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute sa perfection. Donc l'islam, c'est une condition de validité des ablutions. Car le kafir, s'il fait les ablutions, alors ces ablutions ne seront pas valides. Car les actes ne valent que par les intentions. L'intention est une condition, comme on va le voir, dans la validité des ablutions et de toute adoration. Et le mécréant n'a pas d'intention. Et il ne cherche pas à se rapprocher d'Allah avec son acte. Avec son acte, avec son adoration, notamment les ablutions. C'est pour ça, l'adoration n'est pas acceptée de lui, jusqu'à ce qu'il se soumet à Allah, jusqu'à ce qu'il devient musulman. Et ne dites pas, barakallahu fikoum, musulman. Propagez dans votre entourage, musulman, car musulman, c'est parmi les déformations des Français des termes religieux. Que ce soit les termes qui concernent leur religion chrétienne falsifiée ou les termes qui concernent la religion de l'islam. Et ça, c'est connu chez les Français. Ils appellent notre prophète bien-aimé Mahomet, ils appellent le musulman, musulman, et ainsi de suite, dans une longue liste de déformations. Et ça devient un terme dépourvu de tout sens. Amma, quand tu dis musulman, ça a un sens soumis à Allah. Il y a une grande question qui est étudiée dans les livres de l'Usul al-Fiqh. C'est, est-ce que les mécréants, les kuffars, est-ce qu'ils sont concernés par les branches de la législation? Vous savez, il y a des savants, ils disent dans la religion, il y a des fondements et il y a des branches. Les fondements, c'est pour eux, c'est la croyance et la foi. Et les branches, c'est tout ce qui en découle, tel que salat, zakat. On ne parle pas de cette classification, est-ce qu'elle est juste ou pas, Cheikh l'Islam Taymiyyah la critique. Là, ce qui nous concerne ici, ce qui nous concerne, c'est est-ce que les kuffars sont concernés par toutes les législations de l'islam ou non? Ou ils sont concernés uniquement par l'islam? Par l'islam, la soumission à Allah. Les savants ont divergé sur cette question, ont deux avis. Il y en a qui disent que les mécréants ne sont pas concernés. C'est-à-dire, le mécréant, C'est autorisé pour lui de boire l'alcool, de manger du porc, de faire zina, tout est autorisé pour lui tant qu'il n'est pas musulman. Et ils ont dit car même s'il les fait, c'est pas accepté de lui. Et ça, c'est un avis très faible qui a été adopté par surtout l'Ahnaf. La plupart des savants, le Jumhur, la plupart des savants, ils disent, et dans les trois autres madhahib également, le Malikiya, le Shafi'iya, le Harabila, ils disent que les mécréants sont concernés par toutes les législations de l'islam. Mais rien n'est accepté par eux, et rien n'est accepté d'eux jusqu'à ce qu'ils croient en Allah. Et quel est l'intérêt de cette question? C'est que le mécréant, il est interdit de l'aider dans les choses interdites, car selon le premier avis, c'est pas interdit pour lui, donc tu peux lui vendre de l'alcool. Et ça, c'est faux. C'est un avis très faible par rapport à l'avis fort, qui est l'avis de tous les savants contemporains salafis, à ma connaissance, et l'avis des trois écoles jurées de l'Fiqh. Donc le mécréant est concerné par toutes les législations de l'islam. Mais rien n'est accepté de lui jusqu'à ce qu'il croie en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soumet sa face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'intérêt de cette question, c'est que le mécréant, il sera châtié pour sa mécréance. Et il sera châtié également pour tous les péchés qu'il a commis et pour toutes les obligations qu'il n'a pas accompli dans cette dunya. Et également, il n'est pas autorisé de l'aider dans un péché. Il n'est pas autorisé de l'aider dans un péché. Lui, il ne jeûne pas Ramadan. Toi, tu lui vends un sandwich en plein période de jeûne, c'est haram, ce n'est pas autorisé. C'est comme ça le fatwa de nos savants tous. Donc ça, c'est la première condition, l'islam. La deuxième condition, l'aql, la raison. Si on suppose qu'un homme qui n'a pas sa raison, un fou, qui est touché par la folie, qu'Allah nous en préserve, il fait les ablutions. Ces ablutions ne sont pas valides. Comme le mécréant, il fait les ablutions ne sont pas valides. Et si le fou, il fait les ablutions, et après Allah, il lui redonne sa raison. Est-ce que ces ablutions sont valides ou pas? Les ablutions sont invalides, car il les a fait pendant la folie. Au moment où il n'avait pas sa raison, il doit les recommencer, avant de prier. Car le fou également n'a pas d'intention et il n'est pas responsable de ses actes. Et de même, nous disons pour celui qui dort, celui qui est en sommeil, supposons quelqu'un il vient, pendant que tu dors, il te fait les ablutions, entièrement. Tu te réveilles au moment où il termine le pied gauche, le dernier membre des ablutions. Tu te réveilles, te dis, voilà, j'ai fait pour toi les ablutions. Est-ce que ces ablutions sont valides? Non. Et de même, pour celui qui est ivre, ces ablutions sont invalides. Et tout ce qu'il fait comme adoration, car il n'a pas sa raison. Et la raison est une condition de validité dans toutes les adorations. La troisième condition, At-tamiz, le discernement et la distinction. Comme on a vu précédemment, At-tamiz, c'est quand l'enfant arrive à 7 ans. Et ça, d'une manière générale. Car la grande partie des enfants, quand ils arrivent à 7 ans, ils ont le discernement et la distinction. Donc celui qui n'a pas de discernement, ses ablutions ne sont pas valides. Également, sa salat n'est pas valide. C'est pour ça que les savants précisent qu'il ne faut pas mettre un enfant qui n'est pas encore arrivé à l'âge du discernement qui est de 7 ans pour la plupart des enfants, mais il peut arriver à ce discernement avant 7 ans. Et il y a beaucoup d'enfants qui arrivent au discernement avant 7 ans. Mais c'est rare de trouver un enfant qui arrive au discernement après 7 ans. Donc c'est pour ça, salat d'un enfant avant Tamiz n'est pas valide, comme ses ablutions, comme toutes ses adorations. Mais si il arrive à l'âge du discernement, les adorations deviennent valides et acceptées de lui du moment qu'elles remplissent les autres conditions. Et c'est quoi le discernement? Je pense qu'on en a parlé quand on a parlé des conditions de salat. Il n'y a pas de mal à rappeler ici ce que les savants ont cité par rapport au discernement. Donc il y a des savants qui disent le discernement, c'est quand l'enfant arrive à distinguer يُفَرِّقُ بَيْنَ التَّمْرَةِ وَالْجَمْرَةِ, quand il arrive à distinguer une date d'une braise de feu. يُفَرِّقُ بَيْنَ التَّمْرَةِ وَالْجَمْرَةِ, il sait que la date ça se mange et le jamra ça brûle. Ça, c'est un enfant, ils disent, qui est arrivé au discernement. Ou il distingue entre l'eau et le feu. Tu lui mets l'eau et le feu devant lui, il sait que l'eau, ça se boit, et ça rafraîchit, et le feu, ça brûle. Et d'autres savants disent, l'âge de la distinction, c'est quand l'enfant, il comprend le discours qu'on lui adresse. Quand tu lui parles, il te comprend. Il est capable de répondre. Tu lui dis, ramène-moi ça, il va te le chercher. Il dit, ça, c'est un enfant qui est arrivé à l'âge de la distinction. Il est capable de répondre à ta question. Mais en général, si l'enfant il arrive à l'âge de la distinction avant 7 ans, ses adorations deviennent valides. Et sinon, tout enfant à l'âge de 7 ans est considéré comme arrivé à l'âge du discernement. Et ça, c'est une règle dans la religion, c'est que les jugements sont liés à ce qui arrive d'une manière, ce qui est majoritaire. Les jugements, al-hukmu lil-ghalib. Al-hukmu lil-ghalib. Donc, par rapport ici à l'âge de la distinction, la majorité des enfants arrivent à la distinction à 7 ans. C'est pour ça, religieusement, c'est l'âge de 7 ans, et si l'enfant commence à distinguer avant cet âge, on le considère comme un enfant qui a At-Tamiz, qui a At-Tamiz. Et c'est pour ça que Nabi alayhi salam, il a ordonné, il a dit « Mouru abna'akum » ou « Mouru awladakum » afwan. « Mouru awladakum bis salati li sab'in »« Wadribouhum alayha li ashrin »« Wafarriqu baynahum fil madaji'a » Nabi Asselam nous a dit, ordonnez à vos enfants, c'est-à-dire garçons et filles. L'walad, c'est l'ibn ou l'bint. L'walad, c'est les deux. L'walad, c'est pas le garçon. L'walad, c'est l'enfant, donc ça englobe le garçon et la fille. Moro awladakum, les garçons et filles. Moro awladakum bis salati li sab'in. Ordonnez à vos enfants d'accomplir la salat à l'âge de 7 ans. Pourquoi? Parce qu'à 7 ans, la plupart et la grande majorité des enfants arrivent à l'âge de la distinction. وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِينَ. Et frappez-les, s'ils la négligent, à partir de l'âge de 10 ans. Donc, punissez-les pour l'abandon de la salat et la négligence de la salat. Et soyez plus ferme avec eux à partir de 10 ans. Pourquoi? Parce qu'un enfant, des parents qui ont rempli leur devoir vis-à-vis de l'enfant par rapport à Salat, normalement, ils vont commencer à lui enseigner Salat un peu avant 7 ans. Il les voit prier, il essaie de les imiter, il le laisse librement. Il fait des choses, il ne fait pas des choses, il lui laisse

et forcer n'est pas toujours la bonne solution. En dernier recours, le dernier des remèdes, c'est la cautérisation. La dureté, ça peut être utilisé en dernier remède. C'est pour ça, regarde dans ce hadith, le Nabi alayhi sallam, il a laissé un grand intervalle pour l'enfant, pour aimer, pour s'habituer à salat, et on ne va commencer à le punir sur ses négligences de salat qu'à l'âge de 10 ans. Wallahu a'lam. Donc ça, c'est la deuxième condition, ou plutôt à fois la troisième condition de validité de salat. Donc ça, c'est une condition de validité. L'aql, c'est une condition de validité. L'aql et l'islam, ce sont des conditions de validité et des conditions d'obligation. Yani, salat... Salat ou les ablutions, c'est la même chose. Donc, salat, l'aql, la raison, c'est une condition avec laquelle les ablutions deviennent obligatoires et deviennent valides également. La quatrième condition que Cheikh Rahimallah a citée, c'est an-niyya, l'intention. Donc l'intention, c'est une condition de validité dans toute adoration, notamment les ablutions. Et l'intention, elle doit précéder l'acte. Avant de commencer tes ablutions, tu dois savoir et avoir dans ton cœur que tu vas commencer à faire les ablutions. Cette adoration qui est al-wudu, qui est de passer l'eau sur des membres bien déterminés. Car le Nabi a dit innama al-a'malu bin-niyyat. Les actes ne valent que par les intentions. Et comme dans une autre version, selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi sallam a dit la amala illa biniya. Il n'y a pas d'acte sans intention. Il n'y a pas d'acte valide sans intention, sans une bonne intention. Si on prend un exemple, yani quelqu'un, il finit de manger, et quand il finit de manger, il va laver ses mains. Il va laver ses mains et on suppose qu'il va faire à peu près, il va laver comme dans les ablutions. Il passe l'eau sur ses mains, les avant-bras, il met dans la bouche, le nez, sur le visage, il fait le pied. Mais pour lui, il s'est lavé après avoir mangé. Est-ce que ça sera des ablutions valides? La réponse, non. Car il n'a pas eu l'intention de faire les ablutions. Il n'a pas eu l'intention de faire les ablutions, comme bien même il a lavé tous les membres des ablutions dans l'ordre. Donc ça, c'est pour toutes les adorations. Toutes les adorations ne sont valides que quand elles sont précédées par une intention. Par l'intention, ce qui est voulu aussi par l'intention, c'est l'intention de l'adoration. C'est ce qui permet de distinguer les adorations des habitudes. Car ce que je vous ai cité en exemple, c'est une habitude. Il a mangé, il s'est lavé. Comme bien même, il a fait comme les ablutions, mais ça reste dans les habitudes. S'il avait mis l'intention de l'adoration, là, ça serait devenu une adoration et des ablutions valides. Donc l'intention, c'est ce qui permet de distinguer les adorations des habitudes, et ce qui permet également de distinguer les adorations entre elles. Il a prié Dhuhr, il a prié l'Asr, dans l'apparence c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui les distingue? C'est l'intention. C'est ça qui est voulu par l'intention ici. Car l'intention, elle peut être utilisée dans ce sens-là, et elle peut être utilisée dans le sens de la sincérité. La première elle concerne l'acte lui-même, et la deuxième, elle concerne celui qui est adoré, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce qui est voulu par intention dans les conditions des ablutions, c'est celle qui concerne l'acte d'adoration, et non pas l'adorer. Et l'intention, elle est indispensable dans toute adoration. C'est pour ça, si quelqu'un dans une habitude, il fait un travail qui est une habitude. Qui est une habitude et non pas une adoration. Il fait un travail qui est une habitude et non pas une adoration, il n'aura pas de récompense. Par exemple, il mange. Est-ce que toute personne qui mange aura une récompense ? Non. La règle de base dans les gens qui mangent, ils n'ont pas de récompense. Car ça, c'est une habitude. Et c'est une chose permise. Mais ça devient une adoration quand il y a une bonne intention. Comme quelqu'un qui mange pour prendre des forces et pour mieux adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça, dans toutes les adorations, c'est indispensable d'avoir l'intention. Les savants font exception d'une chose qu'ils appellent turuk. Les choses que tu dois délaisser, que tu dois retirer, comme le fait de retirer les impuretés de ton corps. Retirer les impuretés. Imaginons, il y a une impureté sur le corps. Pour la retirer, est-ce que tu as besoin d'une intention ? En autre terme, quelqu'un a une impureté sur le corps. Il la retire sans avoir d'intention. Ou il la retire involontairement. Il s'est enroulé sur le sable sans faire exprès, sans savoir même qu'il a une impureté. Et l'impureté est partie. Est-ce que ceci est valide ? La réponse, oui, c'est valide. Car l'intention n'est pas exigée dans ce qui fait partie de turuk, comme retirer l'impureté. Mais bien évidemment, s'il a l'intention de retirer cette impureté pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors là, il sera récompensé. Mais l'acte en lui-même, il est valide qu'il ait une intention ou pas, du moment qu'il a retiré l'impureté. Et ça, ce n'est pas valable pour les actes que tu accomplis dans les adorations. Dans toutes ces adorations, l'intention est exigée avant le début de l'acte. Tu donnes une sadaqa et 2 minutes après, tu te rappelles que tu es redevable. Tu donnes, par exemple, 50 euros en sadaqa. Et 2 minutes plus tard, tu te rappelles que tu es redevable de 100 euros de zakat. Tu l'avais oublié. Tu dis, c'est bon, je vais transformer mon intention en une zakat. Et comme ça, je me suis acquitté de la zakat. La réponse, ça c'est faux. Et ce n'est pas valide. Car l'intention doit précéder l'acte. L'intention doit précéder l'acte. Avant de donner, tu dois donner avec l'intention de zakat. Et il faut savoir que ce n'est pas légiféré de prononcer l'intention dans aucune adoration dans l'islam. C'est une innovation de prononcer l'intention. Est-ce qu'on prononce dans le Hajj et dans l'Umrah ? Ce n'est pas une intention. Mais c'est un dhikr qui est légiféré à ce moment-là. C'est une formule qui est une sunna de dire. C'est pour ça, si tu ne la dis pas, l'Umrah est valide et le pèlerinage est valide. Si c'était une intention, ça serait invalide de ne pas la dire. L'intention ne doit être prononcée dans aucune adoration dans l'islam. L'intention, c'est dans le cœur. Le fait de te lever vers la salle de bain, de t'orienter vers la salle de bain, et dans ton cœur, tu sais, c'est pour faire les ablutions, ça c'est une intention, ça suffit. Le fait d'être debout dans le rang quand l'imam il va prier dhuhr, ça c'est l'intention de prier dhuhr. Et c'est suffisant. Et plus que ça, c'est le waswas. La cinquième condition, c'est istishab hukmiha bi alla yanwi qat'aha hatta tatimma taharatuhu. Donc la cinquième condition concerne toujours l'intention. C'est que tu ne dois pas interrompre l'intention de la, des ablutions jusqu'à les terminer. Jusqu'à les terminer. Tu dois garder cette intention de, les, de faire les ablutions jusqu'à les terminer. Comment ça dans la pratique? C'est-à-dire que tu vas avoir l'intention, comme ça a été expliqué précédemment, de faire les ablutions. Et tu vas commencer par laver tes mains, mettre de l'eau dans la bouche, dans le nez, laver ton visage, et laver yani, tes avant-bras, les mains jusqu'au coude, les mains jusqu'au coude, et passer le, yani, les mains mouillées sur la tête, les oreilles, les pieds, t'as terminé. Donc du début jusqu'à la fin, tu fais les ablutions. Et tu ne dois pas interrompre cette intention. Quelqu'un, par exemple, il a commencé à faire ses ablutions. Il a commencé par laver les mains, mettre l'eau dans la bouche, le nez, il a lavé son visage. Et au moment où il a commencé à laver ses mains jusqu'au coude, il a commencé par la main droite, il a senti comme si il a envie d'aller aux toilettes. Il a arrêté, il est parti aux toilettes. Et finalement, rien n'est sorti de lui. Est-ce qu'il peut revenir et continuer ses ablutions là où il s'est arrêté? Il commence par les avant-bras ou il reprend les ablutions du début? Cet homme a interrompu l'intention des ablutions. C'est pour ça que ses ablutions sont devenues invalides. Ce qu'il a fait est invalide. Il doit recommencer dès le début. Il doit recommencer dès le début. Ça, c'est un exemple concret de l'interruption des, de l'intention des ablutions. Comme tu peux interrompre ton jeûne avec l'intention. C'est pour ça que les savants ils disent, sunna pour interrompre le jeûne, c'est avec des dattes fraîches. Si tu n'en trouves pas, alors avec des dattes. Si tu n'en trouves pas, de l'eau. Si tu n'en trouves pas, n'importe quelle autre chose. Et si tu n'as rien du tout, t'interromps le jeûne avec l'intention. Et ce qui est voulu par l'intention pour fermer la porte au waswas, l'intention d'interrompre, l'interruption de l'intention, c'est une interruption ferme et non pas une hésitation. Quand tu hésites, ça n'interrompt pas l'adoration. Ce qui interrompt l'adoration, c'est l'intention ferme. Par exemple, tu jeûnes, arrivé midi, tu te dis, j'ai interrompu mon jeûne. C'est pas t'hésites, est-ce que je vais l'interrompre ou pas. Quand tu es dans l'hésitation, ça n'interrompt pas encore le jeûne et ça n'interrompt pas encore l'adoration d'une manière générale, telle que les ablutions de laquelle nous parlons maintenant. Mais ce qui interrompt l'adoration, c'est une intention ferme. Et non pas une hésitation. On prend un autre exemple. Quelqu'un a terminé ses ablutions. Il a fini ses ablutions du début jusqu'à la fin. Et au moment où il a terminé les ablutions, il a senti une envie d'aller faire ses besoins. Il est parti, rien n'est sorti de lui. Est-ce que ses ablutions se sont invalidées? La réponse, non. Car il a terminé ses ablutions, elles sont valides. Et elles ne seront annulées qu'avec quelque chose qui annule les ablutions. Il serait sorti de lui quelque chose, naam, ça invalide les ablutions. Donc ça, c'est la cinquième condition de validité des ablutions. C'est que tu dois avoir toujours cette intention des ablutions du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est quelque chose de systématique. Jusqu'à ce que tu vas décider d'une manière ferme d'arrêter

parmi ce qui annule les ablutions et parmi les autres impuretés avant de commencer les ablutions. Avant de commencer les ablutions. Et se purifier, c'est le septième point. C'est la septième condition de validité des ablutions. Al-istinja'u, istinja'un, ou istijmarun qabla. Yani de faire précéder les ablutions du lavage ou nettoyage des parties intimes. L'istinja ou l'istijmar. L'istinja, c'est se nettoyer avec l'eau. Ou l'istijmar, se nettoyer avec le jamr, la pierre ou ce qui la remplace, tel que le papier ou toute chose qui permet de nettoyer et de retirer complètement l'impureté qui n'est pas une chose respectée ou une chose qui nous a été interdite d'utiliser dans la purification. Telles que les eaux, il y a les pluriels de os et l'ivam, et les excréments des animaux. Les excréments des animaux. D'une manière générale, que ce soit les animaux dans la viande halal ou dans la viande haram. Les excréments des animaux dans la viande halal, il nous a été interdit de les utiliser dans l'istinja, dans l'istijmar, car c'est la nourriture des animaux de nos frères parmi le djinn. Et les excréments des animaux dans la viande haram, il est interdit de se nettoyer avec, car c'est une impureté. Et on se purifie pas avec une impureté. Et les eaux, pluriel de os, l'ivam, car c'est la nourriture de nos frères parmi le djinn. Allah, il les remplit pour eux avec de la viande, comme ça a été rapporté dans l'ahadith. Donc, le fait de faire l'istinja, se nettoyer avec l'eau, et ça c'est meilleur que de se nettoyer avec la pierre ou quelque chose qui la remplace. Est-ce qu'il est légiféré de combiner les deux? Est-ce qu'il est légiféré de combiner les deux et d'utiliser les deux? Il y a des savants qui voient que non. Wallahu a'lam, il n'y a pas de mal à combiner les deux et à utiliser la pierre ou ce qui la remplace en premier afin que tu ne touches pas directement avec les mains l'impureté et ensuite utilise l'eau. Allah a fait les éloges des gens de Quba parce qu'ils se purifiaient avec l'eau. C'est pour ça, se purifier avec l'eau est meilleur. Mais le fait de combiner les deux, surtout quand on a fait nos grands besoins, il n'y a pas de mal, comme bien même le hadith qui est rapporté par rapport à la combinaison des deux est faible. Lakin, ça reste une chose dans laquelle il n'y a pas de mal, afin de ne pas toucher directement l'impureté avec les mains. Tu retires la grande partie avec la pierre ou le papier hygiénique, et ensuite tu te nettoies avec de l'eau. Quand tu te nettoies avec la pierre, sunna, c'est de le faire trois fois, de se nettoyer trois fois, avec trois pierres ou avec une seule pierre qui a trois facettes, de manière à se nettoyer avec chaque face, yani d'une manière séparée. Ou trois pierres, d'utiliser trois pierres ou trois bouts de papier. En tout cas, le faire trois fois est une sunna. Et si trois fois n'est pas suffisant, et tu as besoin de faire plus, la sunna, c'est de faire un nombre impair. De faire un nombre impair. C'est-à-dire, si trois n'est pas suffisant, et trois c'est le minimum. En dessous de trois, tu t'es pas purifié. Faut faire trois fois quand c'est la pierre ou ce qui la remplace. Et en dessous de trois, tu t'es pas purifié. Mais si tu as besoin de plus, sunna, c'est de faire 5 ou 7 ou 9, selon le besoin. En tout cas, un nombre impair. Pour l'eau, c'est une fois. Et si tu as besoin,

donné par une impureté. C'est pour ça que tu peux faire les ablutions avec une eau stagnante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que cette eau soit licite. Quelqu'un qui va extorquer ou la voler une eau et fait les ablutions avec, on lui dit, tes ablutions sont invalides. Tes ablutions sont invalides. Ça, c'est le madhhab al-Hanbali. C'est le madhhab al-Hanbali. Pour la plupart des savants, ils considèrent, dans ce cas-là, que les ablutions sont valides, mais il a le péché d'avoir volé l'eau. Et ça, c'est l'avis juste. C'est l'avis de Cheikh Mu'taymi, rahimahullah. Yani, pour citer un savant qui a grandi dans le madhhab al-Hanbali. Mais sinon, les autres qui ne sont pas du madhhab al-Hanbali, pour eux tous, ces ablutions sont valides. Et la personne a le péché d'avoir volé ou d'avoir extorqué l'eau et elle doit la rembourser à son propriétaire. Mais les ablutions sont valides du moment qu'il a fait les ablutions avec une eau pure. Certains parmi ceux qui peuvent voler de l'eau pour faire les ablutions, ils peuvent avoir un certain raisonnement de Iblis. Iblis, il leur donne un raisonnement pour justifier leur acte. Il dit, moi je dois faire les ablutions et je n'ai pas d'eau. Et voler de l'eau est moins grave que de ne pas faire les ablutions et de ne pas prier. Car ne pas prier, c'est une mécréance. Et de voler, ça reste un péché. On lui dit, ce raisonnement est un raisonnement de Shaytan pour légitimer ce mal. Car tu n'as pas besoin d'arriver à ça. Tu dois chercher l'eau pour faire les ablutions. Et si tu fais toutes les causes et tu n'en trouves pas et que tu n'as pas les moyens d'en acheter, tu passes aux ablutions sèches, avec la terre ou la pierre. Mais le mieux, c'est la terre. Et tu n'as pas besoin de voler et de commettre ce péché. Oui, la neuvième condition, la neuvième qu'il a citée, rahimahullah, izalatu ma yamna'u wusul al-ma' ila al-bashara. C'est de retirer toute chose qui empêche l'eau d'atteindre la peau. Retirer toute chose qui empêche l'eau d'arriver à la peau. C'est-à-dire sur tous les membres qui doivent être lavés dans les ablutions. Et si on parle de l'ghusl, c'est la même chose. Mais on parle des ablutions, les membres qui sont lavés dans les ablutions. Tous ces membres-là, yani, il ne doit pas y avoir quelque chose qui fait obstacle à l'arrivée de l'eau à la peau. Et s'il y a quelque chose qui empêche l'eau d'arriver à la peau, alors les ablutions sont invalides. Telles que les crèmes du corps. Les personnes qui mettent une crème sur les mains ou les avant-bras ou des choses comme ça, ou yani, ceux qui mettent de la vaseline sur les mains, ou yani, les vernis à ongles, les choses comme ça. Ou une femme qui a préparé une pâte pour faire le khobz, et il lui restait des parties, des morceaux sur la peau. Yani, toute chose qui empêche l'eau d'arriver à la peau, annule les ablutions. Et si une femme, elle fait ses ablutions en ayant un vernis sur les ongles, elle a fait ses ablutions en ayant oublié de le retirer. Et elle a fait salat. Et après, elle s'est rappelée. Quel est le jugement de ses ablutions? Quel est le jugement de ses ablutions, si quelqu'un peut répondre? Non, c'est ça. Les ablutions sont invalides. Et ça, je l'ai expliqué précédemment dans une règle précieuse. Il y a une différence entre les choses qu'il t'a été demandé de faire et les choses qu'il t'a été demandé de ne pas faire. Les choses qu'il t'a été demandé de faire, s'il y a un oubli ou une erreur, t'es pardonné sur l'oubli et l'erreur. Mais ça ne rend pas valide l'acte. Contrairement aux choses qui t'a été demandé de ne pas faire, de ne pas avoir une impureté sur le corps. Tu oublies, salat est valide. Mais il t'a été demandé de faire les ablutions, tu oublies, t'as pas de péché. Parce que tu peux te rappeler 10 ans plus tard. Donc t'as pas de péché pour le retard de salat, pour avoir retardé salat, mais tu dois faire cette salat. T'es toujours redevable de cette salat. Donc, la sœur qui a oublié un vernis sur les angles, elle doit refaire ses ablutions après avoir retiré le vernis, et elle doit refaire toutes les salawats qu'elle a priées avec ces ablutions-là. C'est pour ça, yani je recommande à mes sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala de toujours d'avoir des bonnes habitudes. Les choses qui peuvent que tu puisses oublier ou des choses comme ça, comme ce vernis, ne le fais pas. Yani la femme doit s'habituer à s'embellir comme s'embellissaient les sahabiyats. Et la meilleure chose avec laquelle s'embellissaient les sahabiyats, c'était les ablutions. Les ablutions. Et la beauté d'une femme, c'est dans son bon comportement avec son mari, dans son obéissance à son mari. Hadaya, yani la vraie beauté de la femme. Taïb, yani on a vu le 9e, maintenant le 10e. La deuxième condition, la 10e, دخول وقت الصلاة في حق من حدثه دائم. L'entrée de l'heure de salat pour celui ayant une incontinence. Pour celui ayant une incontinence. Yani, celui qui perd tout le temps ses ablutions, que ce soit avec la sortie d'urine ou la sortie de gaz. Yani, ce qui fait perdre les ablutions, il a une incontinence, il ne se contrôle pas, c'est une maladie. Donc pour celui comme ça, également pour le mustahada. Le mustahada également, elle rentre dans cette catégorie-là. Mustahada, la femme ayant des métrorragies. Yani une perte de sang continue. Une perte de sang continue. Pour ces catégories-là, Il est exigé pour eux, pour la validité de leurs ablutions, c'est une condition de validité, d'attendre l'entrée de l'heure. L'entrée de l'heure, c'est-à-dire l'adhan. L'adhan, quand l'adhan est fait pour une salat obligatoire, la personne peut faire ses ablutions à partir de ce moment-là, mais pas avant. Cela veut dire, si elle fait les ablutions avant l'adhan, les ablutions sont invalides, car c'est une condition de validité pour celui qui a une incontinence ou une femme en métrorragie, c'est une condition de validité d'attendre l'entrée de l'heure. Je dis l'adhan, car l'adhan à la base il est fait en début de temps. Mais si on suppose que l'adhan est fait plus tard, il est fait 10 minutes après l'entrée de temps, ce qui doit être pris en compte, c'est l'entrée du temps. Car l'adhan c'est une simple information de l'entrée du temps. C'est une notification de l'entrée du temps. Et s'il est fait plus tard ou avant l'heure, yani, ça ne change pas le jugement religieux. Car le jugement religieux, c'est par rapport à l'heure de l'entrée du temps, l'heure réelle. Quelqu'un il se dit, moi je ne sais pas, est-ce que l'adhan il est fait à l'heure, avant l'heure, après l'heure? La réponse, l'adhan, en règle de base, il est fait dans le temps. Tu te bases sur l'adhan et tu te fies à l'adhan, jusqu'à preuve du contraire. Et ça, c'est la base. Al-baqa'u ala al-asli aslun. Se tenir à la règle de base est une base dans notre religion. Et tu ne dois pas y sortir de cette règle de base avec les andis ou les frères ou les sœurs. Là, c'est des choses y'a ni qui sont en lien avec l'umma. Tu dois te tenir à ces règles de base jusqu'à preuve du contraire. Donc ça c'est La dixième condition, c'est d'attendre l'entrée de l'heure pour celui qui a une incontinence ou la femme qui a des métroragies pour que les ablutions soient valides. Et une fois qu'elle a fait des ablutions, après l'entrée de l'heure, elle peut prier toutes les salawats jusqu'à la prochaine salat obligatoire. Elle fait de même. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Afwan, avant de terminer, j'aimerais que ce soit enregistré pour l'hinna. L'hinna, quand on la retire, il ne reste que la coloration. Ça n'empêche pas l'eau d'arriver à la peau. Mais quand ils mettent l'henna au début, ils la laissent sécher, naam, ça empêche l'eau d'arriver à la peau. Mais une fois qu'ils la retirent, il ne reste que la couleur de l'henna, ça n'empêche pas l'eau d'arriver à la peau. Et ça rejoint ce que j'ai dit précédemment, tout ce qui est naturel pour la femme, et ce qui était utilisé avant, en général, il ne s'oppose pas à la religion. Il ne pose pas de problème dans la religion. Et ça, c'est parmi les bienfaits de ces choses-là, et de se tenir à ces choses-là. Et c'est moins onéreux, et ça pèse moins pour le mari, et c'est facile, c'est accessible. Walhamdulillah, il n'y a que du bien. Wallahu a'lam, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.